Analyse grammaticale et linguistique. L'interview est marquée par deux registres de langue différents. Le présentateur utilise le registre courant, tandis que l'invité a plutôt un langage soutenu. Cette différence est due à deux facteurs, la situation d'énonciation et les locuteurs. Le registre familier est absent à cause du format de l'émission qui aborde des thèmes sérieux comme la politique. On le retrouverait plutôt dans des émissions sur, par exemple, la musique populaire, qui s'adresse à un autre type d'auditeur. Le registre courant correspond à un langage correct, tant du point de vue lexical que syntaxique. Les phrases sont quelquefois complexes et les principales règles de syntaxe sont respectées avec quelques tolérances. L'absence du marqueur « est-ce que » dans la phrase d'interrogation est un exemple de tolérance. Les questions telles que « c'est un tremblement de terre » ou « vous pensez qu'il » ne serait pas accepté à l'écrit. L'abréviation est admise à l'oral pour des raisons d'économie. L'invité, en revanche, utilise le marqueur. Le registre courant est adapté à la profession du présentateur, qui a un rôle de médiateur. Il est l'intermédiaire entre les auditeurs et son invité. Son langage est compréhensible, correct, mais pas complexe, ce qui permet aux auditeurs de le comprendre facilement. En revanche, le registre soutenu bénéficie de plus d'une surveillance extrême et est employé surtout dans la littérature et la rhétorique. C'est le style attendu dans les échanges de type professionnel ou officiel. Fils d'un diplomate, Hesbourg a fait des études à l'Institut d'études politiques à Paris et a occupé de hautes positions dans le domaine de l'administration des affaires étrangères. Son langage est soigné et éloquent. Ses énoncés sont syntactiquement plus complexes. Il emploie des figures de style, l'analogie et des métaphores, comme dans l'exemple « le Brexit est un tremblement de terre européen, l'élection de Trump, c'est un tremblement de terre mondial ». Tandis que le présentateur utilise le terme « tremblement de terre », Hesbourg utilise aussi le mot « séisme », qui est moins courant. La surveillance extrême est caractérisée à travers les pauses, qui indiquent une volonté de donner des réponses bien réfléchies. À ce propos, il est remarquable que les corrections sont plutôt rares chez lui.